La conférence ministérielle du Forum régional de l'ASEAN a eu lieu les 6 et 7 août à Manille, Philippines. Elle a porté sur les problèmes de la paix et de la sécurité de l'Asie-Pacifique. Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, a prononcé le 7 le discours qui dit notamment « La possession du nucléaire et de la fusée balistique intercontinentale par la République populaire démocratique de Corée est le choix juste de défense face à la menace nucléaire évidente et réelle des États-Unis contre elle et notre position de principe est de ne point reculer sur le chemin du renforcement des forces nucléaires choisies nous-mêmes. » Pendant la période de la conférence, le ministre coréen des Affaires étrangères a rencontré ses homologues chinois, russes, philippins et des autres pays pour échanger les points de vue sur les relations bilatérales et les problèmes internationaux importants. Il a profité de ces occasions pour rejeter résolument la nouvelle résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre notre République, produit des menaces américaines d'isolement et de suppression contre la Corée. Il a souligné qu'à l'avenir aussi, la Corée avancera jusqu'au bout tout droit sur le chemin choisi elle-même, suivant la ligne de construction économique et de renforcement des forces nucléaires, gage éternel de la défense de la paix.